Radio ETS, la première web radio entièrement dédiée à la franchise, au business et aux entreprises. Radio ETS. Franchise, business et entreprise. Radio ETS. En direct et en podcast sur radio-ets.com. Le décryptage sans filtre, c'est maintenant sur Radio ETS. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio ETS, ETS pour entreprise, la première web radio entièrement dédiée à la franchise, au business et aux entreprises. Nous sommes en direct du salon Franchise Expo Paris 2019 où je me trouve avec Véronique Gentilhomme, directrice du réseau Crédit Pro. Bonjour Véronique Gentilhomme. Bonjour. Alors comme je viens de le dire, vous êtes la directrice du réseau Crédit Pro. Pour que nos auditeurs comprennent bien ce que vous faites, pouvez-vous nous en dire plus sur Crédit Pro ? Alors Crédit Pro est un réseau de courtage en financement professionnel. Mmh. Nos franchisés accompagnent dans leur recherche de financement les chefs d'entreprise, les créateurs d'entreprise, ceux qui reprennent des fonds de commerce. On accompagne nos entrepreneurs dans toutes les recherches de financement, d'accord, que ce soit du financement de postes clients, des LBO, de la reprise de fonds de commerce, des travaux ou du matériel. Très bien. Donc nous sommes aujourd'hui au salon de la franchise à Paris, porte de Versailles. Mais alors qu'est-ce que c'est exactement la franchise ? Et est-ce que vous êtes justement une franchise, vous Crédit Pro ? Alors oui, Crédit Pro est une franchise, nous sommes franchiseurs. Qu'est-ce que la franchise ? La franchise, c'est un contrat qui nous lie avec nos futurs franchisés, nos partenaires actuels, avec des obligations du franchiseur d'accompagnement, de création d'outils, de développement, de communication de la marque pour les accompagner dans leur développement. Avoir un contrat de franchise, c'est une sécurité pour nos futurs partenaires, puisque ils sont certains d'avoir une assistance technique, de la formation, que ce soit fiscale, commerciale, comptable, tout au long de la durée de leur contrat et de pouvoir toujours compter sur leur franchiseur pour développer de nouveaux outils qui leur permettent de développer leur activité. Donc tout ça va évidemment intéresser de nombreux auditeurs, mais ça ressemble à quoi un franchisé Crédit Pro, Véronique Gentilhomme ? Alors un franchisé Crédit Pro, c'est une personne avant tout commerciale. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, être courtier en financement, c'est faire du commerce au démarrage. D'accord. Donc moi, l'idéal du candidat franchisé, c'est 70% de commerce, 30% de technique, parce que la technique financière est indispensable dans notre activité. Il faut avoir une base de lecture de bilan et d'analyse de bilan. Le rôle à nous franchiseurs, effectivement, de les faire progresser en leur donnant cette formation continue, cette assistance technique, pour qu'ils obtiennent un 50-50 au fur et à mesure des années de leur contrat et qu'ils deviennent totalement indépendants. C'est ce que recherche un candidat qui vient chez Crédit Pro. C'est être indépendant tout en étant accompagné. Allez, maintenant, si vous le voulez bien, on va aborder la concurrence et le développement. Vous êtes sur le secteur du service aux entreprises et on a pu constater au salon que vous n'étiez pas les seuls sur ce secteur. Alors, qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents ? Alors, ce qui nous différencie de nos concurrents, on vient de le dire, hein, c'est un contrat de franchise. Aujourd'hui, sur le courtage en financement professionnel, Crédit Pro est la seule enseigne en courtage en contrat de franchise. Donc, nos concurrents sont sous des formes de partenariat qui sont différentes, qui ne doivent pas la même assistance technique que nous dans le cadre de la loi Dubin, où on a une obligation d'accompagner nos candidats. D'accord. Nos franchisés, également, en étant sous contrat de franchise, se créent un fonds de commerce au fur et à mesure du développement de leur cabinet et ils pourront avoir, lors de la revente ou la cession, pour X raisons, retirer les fruits de leur travail pendant des années. D'accord, alors Véronique Gentilhomme, on voit bien que votre secteur d'activité est dynamique aujourd'hui. A priori, il semble avoir de l'avenir. Ce qui va nous intéresser, bien sûr, c'est de savoir ce que vous en pensez, vous. Alors nous, on pense effectivement que le courtage en financement professionnel a un fort avenir. Ben, aujourd'hui, on regarde un petit peu en arrière et on voit l'évolution des courtiers particuliers qui aujourd'hui sont nombreux sous toutes les formes, en franchise, en commerce associé, et on espère avoir ce développement dans les années futures. Aujourd'hui, l'intermédiation est quelque chose qui est rentré dans les mœurs et qui a son vrai rôle à jouer dans l'économie et l'accompagnement des chefs d'entreprise. Alors, on va se recentrer sur votre réseau et parler un peu de votre développement. Rappelez-nous le nombre d'unités que vous possédez actuellement. Aujourd'hui, nous couvrons 30 départements puisque nos contrats de franchise donnent une exclusivité territoriale à nos franchisés. Notre objectif, d'ici 2021, 50-60 cabinets et à l'horizon 2024, 80 cabinets Crédit Pro seront présents sur le territoire. Aujourd'hui, déjà 40 personnes travaillent sur le financement des professionnels dans notre réseau et on espère passer avec des collaborateurs recrutés par nos franchisés à 150 personnes d'ici 2024. Pour finir cette interview, j'ai envie de vous laisser carte blanche, Véronique Gentilhomme, pour vous adresser aux candidats, car vous le savez, hein, c'est un peu le fil directeur de Radio ETS, que de laisser la parole sans filtre ni préparation à ses intervenants. Alors, qu'aimeriez-vous dire aux candidats intéressés par Crédit Pro ? Qu'est-ce qu'on aimerait dire à nos candidats si sur notre site, c'est notre mot de départ était, quand nous avons lancé le réseau en 2010, rejoignez notre tribu. Eh bien, n'hésitez pas à nous contacter, rejoignez notre tribu, venez nous voir, venez nous rencontrer. On vous accueillera avec plaisir, on vous permettra de découvrir les outils qu'on a mis à la disposition de nos franchisés et notre logiciel métier qui est un logiciel qui est effectivement très performant et qui continue son développement de manière régulière avec notre équipe informatique. N'hésitez pas à venir nous voir. Vous pouvez nous contacter sur franchisecreditpro.com ou sur creditpro.com tout court, qui sont nos deux sites de référencement aujourd'hui. Eh bien, grand merci à vous, Véronique Gentilhomme, et au réseau Crédit Pro pour votre participation à cet exercice périlleux qu'est la radio. Mais enfin, mais non, nous sommes toujours très sympathiques sur Radio ETS puisque nous sommes là pour vous. Pour vous aider à mieux comprendre et mieux choisir la franchise qui vous correspond. Et oui, c'est pour ça que Radio ETS est la première web radio entièrement dédiée à la franchise, au business et aux entreprises. Cette interview vous a plu et vous souhaitez en savoir davantage sur le réseau Crédit Pro, n'hésitez pas à le contacter sur creditpro.com. Vous retrouverez également le podcast de cette interview sur radio-ets.com, sur choisir-sa-franchise.com, choisir-sa-franchise.com, sur lemediaindépendant.fr et sur tous nos réseaux sociaux. A très bientôt et un grand merci encore à vous, Véronique Gentilhomme. A très très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.